À l'occasion du 50e anniversaire de l'inspection du président Kim Il-sung à la province du Hamgyon du Sud, un rassemblement a eu lieu le 10 juin au Grand Théâtre de Hamon. Y ont participé les cadres politiques, administratifs, économiques et sociaux et autres travailleurs de la province. Le rapporteur a indiqué que l'inspection du président Kim Il-sung était une occasion décisive pour les affaires du parti, le développement économique et l'amélioration de la vie du peuple de la province, et aussi la bannière qui a encouragé les fonctionnaires et les travailleurs de la province à la grande campagne révolutionnaire. Il a ajouté que l'histoire de l'inspection du président Kim Il-sung à la province a été continuée par le général Kim Jong-il et continue toujours par le dirigeant suprême Kim Jong-un, tout à fait identique au grand leader.